Chapitre 3. La destination. Le temps avait comme retenu son souffle à l'intérieur de la rose des vents. Ophélie, qui était encore en train de tirer sur son écharpe pour l'arracher des griffes d'andouille, regarda tour à tour Gaël, Renard, Archibald et la tante Roseline, qui semblaient soudain attendre d'elle la réponse à toutes leurs questions existentielles. « Avant d'aller plus loin, » dit Archibald en s'asseyant nonchalamment sur la table d'itinéraire, « vous devez comprendre ce qui nous a réunis ici. Nous enquêtons sur la mort de la vieille Hildegarde. Vous êtes avec Thorne la seule personne encore vivante à avoir assisté à ses derniers instants. Vous êtes aussi la seule à savoir ce que cachait réellement l'affaire des lettres de Dieu dans laquelle elle a été impliquée. » Le mot « Dieu » se répercuta à travers la rose des vents avec une résonance de vieille cathédrale. À cette seule évocation, Ophélie se rappela le baron Melchior, son chantage mortel, la mère Hildegarde, aspirée par le fond de sa poche, les cadavres dans l'imaginoir, les doigts tranchés par Thorne. Oh oui, elle savait exactement de quoi il retournait. Elle en faisait encore des cauchemars. « Et puis, il y a eu la crise de Farouk, » poursuivit Archibald d'un ton hilar, comme s'il racontait une bonne plaisanterie. « Toute la cour a été témoin de son comportement inexplicable et de la façon dont vous l'avez ramené à la raison. Vous seul, en quelques mots. Ton livre n'est que le début de ton histoire, Odin. Il n'appartient qu'à toi d'en écrire la fin. » De cela aussi, Ophélie se souvenait parfaitement, sauf que ce n'étaient pas ses mots à elle. C'étaient les mots de Dieu, prononcés il y a bien longtemps. « Farouk n'a plus été le même depuis, » enchaîna Archibald. « Tir au flanc et tête en l'air, oui, mais quand il s'agit du sort de sa famille, il se montre presque, comment dire, presque concerné. « Sauf que c'est de la mère qu'on cause ici, » s'impatienta Gaël. Elle contourna la table et vint coller ses loupes contre les lunettes d'Ophélie. Celle-ci remarqua que Gaël avait cousu, assez mal d'ailleurs, le motif d'une orange sur sa chapka à rabat. L'orange était l'emblème de la mère Hildegarde. « Écoute-moi bien, petite. La mère savait que son temps était compté. Elle savait qu'il existe autre chose, quelque chose de pas joli joli, quelque chose de plus grand que les esprits de famille, quelque chose qui en a après ça. » Gaël leva le pouce par-dessus son épaule pour désigner la rose des vents dans son ensemble. « La mère a essayé de me parler, de me préparer, mais moi, je ne l'ai pas écoutée. Je voulais juste rester caché dans mon coin. J'avais la trouille de finir comme le reste de mon clan. » Un silence brutal accueillit ces mots, un silence peuplé par les esprits défunts de tous les nihilistes. Ophélie s'était demandé pourquoi Gaël paraissait lui en vouloir ainsi. Mais elle comprenait à présent que c'était contre elle-même qu'était tournée sa colère. « Tu as cassé mon monocle, » grommela-t-elle. « Pour ça, tu me dois des excuses. Et je te dois, moi, des remerciements. Sans lui, j'ai pas pu dissimuler longtemps aux autres ce que je suis vraiment. Ça a été le coup de pied aux fesses dont j'avais besoin. La mère a été une famille pour moi. J'en ai marre de faire ma petite ingrate. Alors je veux que tu me le dises maintenant, face à face. Est-ce que ce Dieu existe? Et est-ce que c'est à cause de lui que la mère est morte ?»« Oui. » La réponse d'Ophélie produisit un effet immédiat. Gaël poussa un chapelet de jurons, Renard releva ses loupes sur son front, Archibald éclata de rire et la tante Roseline pinça les lèvres. Seule Victoire continua de faire imperturbablement crisser son crayon sur son dessin. Ophélie remit d'aplomb ses lunettes que Gaël avait déstabilisées. Avant de disparaître, Thorne lui avait recommandé de ne parler de ce qu'elle savait à personne, mais elle n'avait pas le droit de se taire plus longtemps. « Vous vous rappelez la caravane du carnaval ?»« La compagnie de cirque ?» s'étonna Renard. « Celle qu'on a été voir avec votre frangin ?» Dieu voyageait à leur bord, en se faisant passer pour un métamorphoseur. Ophélie se racla la gorge. Le souvenir de ce dont elle avait été témoin cette nuit-là dans la prison de Thorne lui donnait toujours la sensation d'avoir avalé du sable. « Il est beaucoup plus qu'un métamorphoseur. » Dieu peut reproduire l'apparence, la voix et le pouvoir familial de toutes les personnes qu'il a approchées. C'est pour cette raison qu'il voulait provoquer une rencontre avec la mère Hildegarde. Il convoitait sa maîtrise de l'espace. Et c'est pour cette raison que la mère Hildegarde s'était retranchée dans un non-lieu, derrière un cordon de sécurité. Elle savait que celui qui essaierait de franchir cette ligne deviendrait plus dangereux à cause d'elle. « Ce n'est pas tout, » reprit-elle après un nouveau grattement de gorge. « Dieu est le créateur des esprits de famille et se considère en tant que tel comme notre parent à tous. Il nous impose sa loi à notre insu, avec la complicité d'hommes et de femmes qu'il appelle les tuteurs. Ah, et un dernier détail, » s'empressa-t-elle d'ajouter avec un sourire nerveux. « Les griffes de Thorn n'ont eu aucun effet sur lui. » Elle observa une pause pour mesurer l'impact de ses paroles sur son auditoire, mais ce ne fut pas là un exercice facile. Autour d'elle, tout le monde s'était figé de stupeur. Archibald lui-même, qui frottait ses mains d'excitation, avait fini par s'interrompre en plein mouvement. « Je vous ai tous mis en danger, rien qu'en vous en parlant, » poursuivit Ophélie. « J'ignore quels sont vos projets exactement, mais soyez extrêmement prudents. Les tuteurs sont les yeux et les oreilles de Dieu à travers toutes les arches. Il est impossible de déterminer avec certitude qui est à son service et qui ne l'est pas. Je vous le dis à vous, car vous êtes les personnes en qui j'ai le plus confiance. » Ce fut la tante Roselyne qui, la première, rompit l'immobilité générale. Elle fit quelques pas énergiques à travers la salle, le temps de se calmer, ses talons claquant sur la mosaïque et résonnant jusqu'à la coupole. Puis elle se massa le front en soupirant. « C'est bien toi, ça. Quand il s'agit de te mettre dans le pétrin, tu ne fais jamais dans la demi-mesure. » Ophélie contracta les mâchoires. Sa marraine ignorait à quel point elle avait raison. Si Dieu avait dit vrai, il n'était pas le plus à craindre dans l'affaire. Il y avait l'autre, cette entité inidentifiable qu'elle avait libérée du miroir, cet ange de l'Apocalypse qui aurait cassé le monde et qui, toujours d'après les dires de Dieu, s'apprêterait à achever son œuvre. Tôt ou tard, que tu le veuilles ou non, tu me mèneras à lui. » Un lien s'était-il réellement créé entre Ophélie et cet autre? Le seul souvenir qu'elle en conservait, un souvenir lointain, confus, c'était celui de son propre reflet dans la glace de sa chambre d'enfant, la nuit de son premier passage de miroir. Depuis, contrairement à ce que Dieu avait annoncé, aucune arche ne s'était effondrée, certes. Des blocs de terre s'abîmaient parfois dans le vide, mais cela aurait pu être aussi bien l'action d'une érosion naturelle. Non, vraiment. Plus Ophélie y réfléchissait, moins elle voyait de raison d'affoler tout le monde avec une histoire aussi nébuleuse que cette autre. Elle réalisa soudain, à la façon dont il patientait, la tête penchée, qu'Archibald lui avait posé une question. « Pardon, vous me disiez ?» Que c'était plutôt curieux. D'un côté, vous nous affirmez que Dieu a créé les esprits de famille, de l'autre, vous nous affirmez qu'ils convoitent leurs pouvoirs familiaux. Je sens, pour ma part, comme une embrouille. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas moi-même, admit Ophélie. Pourquoi, par exemple, Dieu a-t-il dit autrefois aux esprits de famille qu'ils étaient libres de leur choix, si c'est pour en faire ces pantins aujourd'hui? Pour une raison ou pour une autre, ses plans ont changé. Archibald se contenta d'opiner du menton, assis sur la table d'itinéraire, jambes croisées et mains autour du genou. On pouvait croire qu'il était en train de discuter de la pluie et du beau temps. « Et quand il ne prend pas l'apparence d'un mortel, quel est le visage de Dieu ?»« Je ne le connais pas, » répondit Ophélie. « J'ignore même s'il en a un. Ce que je sais, par contre, c'est qu'il n'a pas de reflet et qu'il a tendance à faire des lapsus, » ajouta-t-elle d'un ton prudent. « Mais je ne sais pas dans quelle mesure c'est un signe distinctif fiable. » Archibald bondit de la table et échangea un coup d'œil entendu avec Gaël et Renard avant de revenir à Ophélie. « Voulez-vous chercher Arcanterre avec nous ?»« Arcanterre ? » ?»« L'arche natale de la vieille île de Garde. » « Je sais cela, mais pourquoi Arcanterre ?»« Parce que si Hildegarde savait pour Dieu, il y a fort à parier que sa famille aussi. Voyez-vous, les Arcadiens tiennent des roses des vents sur chaque arche. Ils observent tout ce qui se passe à travers le monde depuis des générations. Je pense qu'ils sont extrêmement bien renseignés. Le problème, c'est que tous les Arcadiens ont déserté les roses des vents. Nous n'en avons pas encore croisé un seul. » D'un geste éloquent, Archibald ouvrit un tiroir au hasard et en sortit toutes sortes d'imprimés, cartes, timbres, passeports, certificats, comme s'ils étaient maintenant à lui. « Qu'à cela ne tienne, nous irons les chercher jusque chez eux, s'il le faut. » « Et vous m'attendiez pour ça ?» s'étonna Ophélie. Archibald secoua la tête dans une débâcle de cheveux blonds. « Nous ne vous avons pas du tout attendu. En fait, nous les cherchons depuis un moment. Non, pour l'instant, on tâtonne, on expérimente, on vagabonde. C'est ainsi que nous avons fini par trouver le chemin jusqu'à Anima. Pour les explications techniques, je passe mon tour. » Archibald fit une révérence à Gaël qui le bouscula sans ménagement et frappa la table d'itinéraire du plat de la main. « Des semaines qu'on étudie ces combinaisons. Tout un tas de foutues portes desservant 20 arches majeures, 180 arches mineures, et les tapés d'îlots qui flottent avec, mais aucune qui mène à Arcanter. » pesta-t-elle en foudroyant la table des yeux. « À tous les coups, les Arcadiens ont gardé cet itinéraire secret, et impossible d'aller là-bas par voie aérienne. » Ophélie acquiesça. Arcanter ne figurait sur aucune carte. Il se racontait même que l'arche entière était dissimulée dans un repli de l'espace. « Il y a forcément un accès !» poursuivit Gaël en martelant la table de son index. « Mais il va nous falloir beaucoup de temps et de méthode pour le trouver. Ces roses des vents sont conçues comme un réseau ferroviaire à grande échelle. Il y a des lignes directes et des centaines de correspondances. Il nous faut trouver le bon embranchement. »« Mais vous n'êtes pas déjà allé plusieurs fois sur Arcanter ?» l'interrompit Ophélie. « Je me souviens que vous en aviez même rapporté des oranges. » « Ce raccourci-là a disparu, » répondit Archibald à la place de Gaël. « Je peux déverrouiller un passage condamné, mais je ne peux pas reconstruire ce qui a été détruit. » Ophélie contempla longuement la table ronde, son chaos de chiffres, son labyrinthe de lignes et de signes. « Pourquoi ? » murmura-t-elle. « Pourquoi vous donnez tout ce mal ?» Le sourire d'Archibald s'accentua et la lueur de son regard s'intensifia. Jamais Ophélie ne lui avait vu une telle détermination. C'est pourtant évident. Hildegarde était une vieille cabocharde qui n'a pas cessé de m'attirer des ennuis, mais elle était sous ma protection. Si Dieu est responsable de sa mort, alors Dieu devra me rendre personnellement des comptes. Gaël cracha par terre en signe d'approbation et Renard, d'un geste habituel, sortit aussitôt un mouchoir pour lui frotter la bouche. « Je n'aimais pas spécialement le vieil chouette, » soupira-t-il. « Mais ce qui est important pour ma patronne est important pour moi. » « Je dois maintenant ramener cette demoiselle auprès de sa mère, » déclara Archibald en caressant les cheveux blancs de Victoire, qui avait fini par s'assoupir sur le comptoir, son crayon encore à la main. « Vous êtes dans une rose des vents. À vous de choisir votre destination, Madame Thorne. Voulez-vous rester sur Anima avec votre famille? Voulez-vous retourner au pôle avec votre filleule? Ou bien voulez-vous chercher Arcanter avec nous ?»« Le pôle !» répondit la tante Roseline sans la moindre hésitation. « Nous retournons auprès de Bérénilde, n'est-ce pas ?» Ophélie se mordit la lèvre. Il aurait été facile de dire oui à la demande de la tante Roseline ou à celle d'Archibald. Elle aurait pu choisir de rester auprès de ce qui lui était familier, mais cela n'aurait fait que creuser davantage son vide intérieur. Elle fut alors saisie par une mêlée d'émotions de celles qui prennent au ventre lorsqu'on monte à bord d'un train, sans savoir jusqu'où il nous conduira ni si on pourra revenir en arrière. Ophélie caressa du regard la table de pierre où était gravée la carte des roses des vents et leurs arches de destination. Anima, l'arche d'Artémis, maîtresse des objets. Le pôle, l'arche de Farouk, maître des esprits. Totem, l'arche de Vénus, maîtresse des animaux. Cyclope, l'arche d'Ouranos, maître du magnétisme. Flore, l'arche de Bélisama, maîtresse de la végétalité. Plombor, l'arche de Midas, maître de la transmutation. Pharos, l'arche d'Horus, maître du charme. La Sérénissime, l'arche de Fama, maîtresse de la divination. Héliopolis, l'arche de Lucifer, maître de la foudre. Babel, l'arche des jumeaux Pollux et Hélène, maître des sens. Le désert, l'arche de Djinn, maître du thermalisme. Le Tartare, l'arche de Gaïa, maîtresse du tellurisme. Zéphyr, l'arche d'Olympe, maître des vents. Titan, l'arche de Yin, maîtresse de la masse. Corpolis, l'arche de Zeus, maître de la métamorphose. Cid, l'arche de Perséphone, maîtresse de la température. Séléné, l'arche de Morphée, maître de l'onirisme. Vespéral, l'arche de Viracocha, maître de la fantomisation. Al-Andalus, l'arche de Ré, maître de l'empathie. L'étoile, l'arche neutre, siège des institutions interfamiliales. Et bien sûr, la destination qui ne figurait pas sur la table, Arcanter, l'arche de Janus, maître de l'espace. Ophélie les avait étudiées, ces 21 arches majeures, depuis sa chambre trop étroite. Elle les avait étudiées, oui, mais il lui semblait qu'elle n'avait rien appris. Elle sortit de sa poche la carte postale du grand-oncle. La photographie avait souffert pendant l'épisode des toilettes, mais on y voyait encore distinctement le majestueux bâtiment de la 22e exposition interfamiliale. « Voici ma destination, » déclara-t-elle enfin à la surprise générale. « Je dois aller à Babel, et je dois m'y rendre seule. »